Trop rapide, j'débite, plus de 1000 rimes par beat. T'as jamais vu ça ta vie, donc pour te mettre à l'abri, je suis revenu pour faire mal, pas question de faire un beat. Joins tes putains de mains, pour le retour du mal appris. Bienvenue dans mon monde, entre si je tiens vite. Je ne partirai pas de sitôt, tu sais que ça laisserait un vide. Tu me fous de ton avis, les critiques se dissipent. Essaye pas de me baiser, tu chopperais la syphilis. Donc viens pas me sucer, quand j'aurai du succès. Car un jour j'en aurai, et j'en serai honoré. Yeah, petit tu sais, que j'aime abuser. Si je voulais me calmer, t'inquiète, ça saurait. J'accélère dans les descentes, je me sens bien lancé, tu te livres. Moi j'ai bien l'air d'être à descendre, mais c'est du bon sort que je livre. Enfin, mon ivre, la rage de vivre, enfant, rire, mes délires. Sois pas surpris pour si peu, les peuples changent, c'est des livres. M-U-G-E-N, rap imagé, magé. Le génie que je suis, pire qu'une machine. Si tu voyais comme je me gêne, les MC en chier. Je rien sur le rap comme Mao en chier. Je manipule bien les mots, mieux que de la magie. Je suis trop vénère comme si j'avais le M de magie. Avant tes entagés, la douleur est tragique. Si tu me plagies, normal que le sang. Moi je ne parle pas, j'agis. Pendant que tu t'agis, au micro, je suis agilé. Tiens, voilà ta gifle. Du putain de freestyle, c'est de ça qu'il s'agit. Pas question de massager, je n'en écoute pas des massages. Le rap m'envoie te prévenir. Je suis son message, son messie, son guerrier. Tout simplement son message. J'ai pas forcé de m'écouter ni de me comprendre message. Je sais d'un qu'il ressemble si le rap a un visage. Et je monte en puissance chaque fois que je lance des pages. J'aime oser, j'aime poser des rimes, j'aime poser. Sur le trône que tu combats tant que t'en as la rage. J'aime causer des dégâts, oui, j'aime tout exploser. Je digère aucune défaite, on m'a bloqué l'œsophage. Ma question d'y goûter, ça me donnerait la nausée. Comment mâche si je pars, car ce serait bien dommage. Admire le freestyle d'un rappeur névrosé. Le samouraï qui rappe et dans la place tu n'es pas de taille. Hasta la vista. Ouais tu sais que je suis dégénéré. Inutile de me tuer, je peux me régénérer. Admire le plaisir que je vais générer. Les choses vont bouger, je décide de changer les règles. Au moindre faux pas, enfoiré, tu sors enfoiré. T'es mort, tu essayes de me défier. Désormais tu es la personne qui décide de ton sort. T'assure si tu t'en sors car je serai sans pitié. Admire toutes mes créations. Ce n'est pas la cour de récréation. C'est un foutu champ de bataille. Écoute, Mugen, c'est le son d'un samouraï. Je suis une menace omniprésente. Je sais parfaitement que les mots blessent. Donc je flotte tel un omniprésent au-dessus de ta tête comme une épée de Damoclès. Faire ses prods de ouf, c'est un acte de gré. J'ai bien assez de stuff, fuck Dr. Dre. Je marche seul, j'ai la force sans le nom. Je respecte l'auditeur et ce même sans renom. Sérieusement c'est relou, terminé c'est M si sans renoncer. Mon nom celui du messie, facile à prononcer. Gun pour les blancs, les blacks, les yellows. Je vais dire bonjour au peuple, everybody hello.